France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Michel Mouton, le groupe B et les Finlandais volants. Au début des années 80, le sport automobile traverse l'une des périodes les plus fastes de son histoire. Sur les circuits de Formule 1, les pilotes se livrent à des duels spectaculaires à plus de 300 km/h sous l'œil des caméras de télé. Une fois la course terminée, ces belles gueules, trophées et glamour à la une des magazines, la Formule 1 a tout pour elle, la gloire, le strass et l'argent. Cette suprématie va pourtant voler en éclats avec l'arrivée d'une nouvelle catégorie de voitures de course, les groupes B. Sur la terre, la neige, le bitume, le gravier, aux quatre coins du monde, les véhicules de rallye à la puissance hors norme, car il s'agit de cela, foncent, sautent, glissent et suscitent un immense engouement populaire. Parmi les pilotes qui vont écrire les plus belles pages de cette discipline, une grande majorité vient des pays nordiques. La presse les surnomme les Finlandais volants. Mais au milieu de cette bande de grands gaillards à la tignasse blonde, on trouve une Française. Elle est pilote, elle s'appelle Michel Mouton. C'est son histoire que nous vous racontons aujourd'hui. Michel Mouton est notre invitée. Elle est aujourd'hui déléguée à la sécurité au sein de la Fédération internationale de l'automobile. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Adrien Cara, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Étienne Bertin. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Vendredi 9 octobre 1981, temps clair et sec sur les petites routes sinueuses de la région de San Remo. Voilà 5 jours que la cité italienne et sa campagne sont devenues le terrain de jeu du championnat du monde des rallyes. Épreuve parmi les plus populaires de la saison, le rallye de San Remo est une course contre la montre, aux allures d'épreuves d'endurance, avec plus de 2800 km à parcourir, dont un quart réparti sur des épreuves spéciales chronométrées. Mélange de terre, de gravier, d'asphalte et de poussière, cette course spectaculaire use la mécanique des voitures et aussi les nerfs des équipages. Tout au long du parcours, plusieurs milliers de curieux se massent au bord des routes pour voir ces bolides qui traversent champs, cols et forêts à plus de 150 km/h, dans un vacarme assourdissant. Ici, pas de barrière ou de service de sécurité, comme en Formule 1, non. Le rallye est une discipline brute, simple, populaire. Un rendez-vous convivial où les fans peuvent approcher leurs champions à bord du parc d'assistance ou même à la terrasse des restaurants. Pour cette année 81, sur les 70 voitures engagées dans le rallye, c'est l'Audi Quattro numéro 14, celle de Michel Mouton et sa copilote Fabrice Irpons, qui attire tous les regards. Et pour cause, à quelques heures de l'arrivée, le duo Mouton-Pons est en tête du classement général. Derrière, dans un mouchoir de poche, on trouve quelques pilotes locaux, mais surtout une horde de nordiques. Des hommes qui ont fait du rallye leur spécialité et qui l'ont issu au rang de sport national, dont bien sûr le plus connu, Vatanen, mais aussi Allen, Toivonen, Salonen ou encore Nicolas. À cette époque, le sport automobile est un milieu exclusivement masculin. Un univers dans lequel, derrière l'ingénierie, la technique et la mécanique, tout cela charrie son cortège de préjugés sur la place des femmes dans la société. En toile de fond, revient la sempiternelle et absurde question: à voiture égale, une femme au volant peut-elle rouler aussi vite, voire plus vite qu'un homme? À chaque fois qu'on l'interroge sur ce sujet, Michel Mouton esquisse un sourire contrarié, car ce genre de débat l'agace. Elle n'est pas là pour régler des comptes avec ses adversaires masculins, ni pour statuer sur des enjeux de société. Interrogée au micro de France Inter, elle rappelle que, lorsqu'elle participe à un rallye, son objectif est de gagner, point barre. L'ambition, c'est toujours d'arriver aux meilleures places et pour nous, ça va être exactement ça. C'est toujours essayer de décrocher une victoire quelque part et on s'applique, ça arrive pas tout le temps, mais enfin on s'applique pour qu'un jour ou l'autre, ça arrive et c'est mon but premier. Battre les hommes, pour vous, ça représente quelque chose ? Bah écoutez, ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas? Je sais que ça leur fait pas plaisir, ça j'en suis sûre. Parce qu'on est toujours content quand on me voit derrière et juste derrière, ils me disent oui, tu marches très très bien. Mais en fait, quand on leur prend leur place, on s'aperçoit très vite qu'ils sont pas du tout d'accord. Avez-vous l'impression d'avoir été admise maintenant dans le cercle très fermé des vainqueurs possibles de rallye? Oui, pour ça, je pense que j'en fais partie et ils acceptent très très bien que je sois avec eux, ils ne font pas de différence. C'est justement ma plus grande victoire, si vous voulez, c'est d'être une femme, mais d'être considérée d'abord comme un pilote. Je suis un pilote et en tant que pilote, je suis une femme. Et je pense que ça, c'est une très belle victoire. Une fois sa combinaison blanche enfilée, son casque bien vissé, installé et sanglé sur le siège bac de son Audi Quattro, rien ne différencie Michel Mouton de son coéquipier masculin chez Audi, ou d'un autre pilote du plateau. Bref, le rallye n'est pas genré, qu'on se le dise. Le chronomètre, il est pour tout le monde. Car lorsque le contact est allumé et que le signal de départ est donné, seul compte le talent, l'audace et la prise de risque. Et à ce petit jeu, Michel Mouton excelle. Comme le rappelle le journaliste Bernard Giraud. Le sport automobile est l'une des rares disciplines avec l'équitation où hommes et femmes s'affrontent dans la même catégorie. Avec Michel Mouton, une femme dans la course n'est pas seulement une image promotionnelle et publicitaire, c'est une véritable championne au sens noble du terme, comme peut l'être une sauteuse en hauteur par exemple. Et à bord de l'Audi Quattro, voiture à 4 roues motrices et moteur turbo, elle a pu exprimer toutes ses qualités. De l'avis de nombreux pilotes, le rallye est une discipline à part. Sa beauté et sa magie tiennent au fait que rien n'est jamais joué. Un changement de météo imprévu, un problème mécanique bien sûr, ou de pneumatique inattendu, ou encore une erreur de prise de notes peuvent vous coûter la victoire. Et le rallye de San Remo en 81 n'échappe pas à la règle, bien sûr. Il est un peu plus de 22h30 lorsqu'est donné le départ de la dernière spéciale. Michel Mouton est en tête, mais elle a perdu une grande partie de son avance à cause d'un souci d'étrier de frein. Elle se retrouve donc talonnée par deux de ses adversaires, les Finlandais Vatanen et Toivonen, tous deux bien décidés à ne pas la laisser gagner. Première à s'élancer dans l'obscurité de San Remo et sur l'asphalte abîmé de la campagne italienne, l'Audi blanche, au capot et au toit recouvert de rouge, de gris et de noir, la voiture de Michel Mouton. Les yeux rivés loin devant, la Française essaie de deviner dans le noir les éventuels obstacles. Au volant, elle ne dispose d'aucune aide à la conduite, d'aucune assistance au freinage. Seules les indications de sa copilote, Fabrizia Ponce, lui permettent d'anticiper les virages. Tout est noté, tout est codifié. Un virage gauche 90, ça signifie pour moi un virage que je prends en quatrième. Un autre en 85, ça va être troisième. Et c'est un parcours qui est connu et reconnu et nous connaissons pratiquement tous les pièges, mais en fait, évidemment, le jour de la course, tout peut arriver, une pierre peut tomber, la pluie arrive, la nature elle-même fait que c'est toujours quand même une question d'improvisation permanente. L'Audi Quattro est puissante et grâce à son système unique de 4 roues motrices, elle dispose d'un avantage exceptionnel sur la terre et sur le gravier. Sur le bitume, en revanche, la voiture est lourde et difficile à manœuvrer. Tout l'inverse de la Ford de Vatanen ou de la Talbot de Toivonen. Conséquence, alors qu'on s'enfonce dans la nuit et que les kilomètres défilent, l'écart se resserre entre les trois voitures de tête. Au parc d'assistance, le directeur d'Audi, Roland Gumpert, a les oreilles collées sur sa petite radio HF dont le signal coupe par intermittence. Mais c'est son seul lien avec Michel et Fabrizia. Pour le reste, il ne peut plus rien faire. Les dés sont jetés, l'attente commence, interminable. Sur les routes des environs de San Remo, la lutte entre Michel Mouton et les pilotes finlandais fait rage. Vatanen revient à moins de 30 secondes de l'Audi, mais à freiner de plus en plus tard, à repousser toujours plus loin les limites de sa voiture, il finit par commettre une erreur, et c'est la collision. Il finit l'étape au ralenti, ses chances de victoire s'envolent. Derrière, le seul encore en chasse, c'est l'autre Finlandais, Toivonen. Et il se bat comme un diable. Mais le rythme effréné imposé par Michel Mouton est tout simplement infernal. Pour lui et pour le reste des concurrents. Devant, lançait-elle une équilibriste sur le fil de trajectoire négocié à plus de 150 km/h, Michel Mouton fait virevolter sa voiture avec une aisance folle et elle fonce vers la victoire. Quelques heures plus tard, à l'arrivée à San Remo, l'Audi numéro 14 de Michel et Fabrizia remporte le rallye. et l'émotion est grande. Pour sa première année en championnat du monde, la pilote française signe sa première victoire. Pour la première fois également, un équipage féminin s'impose au niveau mondial. Et l'histoire retient aussi que c'est grâce à Michel Mouton que le constructeur allemand Audi remporte pour la première fois une victoire en rallye. Lorsque quelques mois plus tôt, la Française a signé son contrat chez Audi, il y a eu les questions, les interrogations et les doutes. Aujourd'hui, à Sanremo, la jeune femme et son équipe mettent tout le monde d'accord. Elles sont là ensemble pour gagner, avec dans leur viseur un titre mondial. Michèle Mouton est belle comme la victoire puisqu'elle a gagné le rallye de Sanremo battant tous ces messieurs dans ce 23e rallye de Sanremo. C'est la première fois qu'un équipage féminin s'impose dans cette épreuve prestigieuse. Alors bravo à Michèle Mouton et à sa coéquipière italienne Fabrizia Ponce. Alors Michèle Mouton, on peut se poser une question. Est-ce que c'est la plus belle victoire de votre carrière? Je pense que oui, certainement, puisque le dernier palier du sport automobile étant le championnat du monde, et je viens de remporter une victoire du championnat du monde pour la première année. Je suis vraiment ravie. Michèle Mouton, comment ont réagi les conducteurs masculins? Est-ce qu'ils vous ont un peu jalousé? Est-ce qu'ils se sont sentis atteints dans leur virilité, si j'ose dire? De toute façon, vous savez très bien qu'ils ne le montrent pas. Mais non, ils ont été tous très fair-play avec moi et très gentils avec moi. Quelle est la part de votre talent et celle de la voiture? Car je crois que vous étiez la seule à piloter une voiture à 4 roues motrices. Alors cette Audi Quattro, est-ce qu'elle a des performances tout à fait étonnantes par rapport aux autres? Est-ce qu'elle accroche mieux la route? Oui, elle accroche mieux la route, du fait même qu'elle a 4 roues motrices. Elle a donc double motricité par rapport à toute voiture conventionnelle. Mais je n'étais pas la seule à conduire cette voiture, puisqu'Anou Nicolas a réussi des performances fantastiques tout au long de ce rallye aussi. Et nous sommes très ravis dans l'équipe d'avoir amené ces deux voitures à l'arrivée, une première et une quatrième. Reportage télévisé, couverture de magazine, interview, Michèle Mouton devient en quelques semaines une icône en France, comme en Europe d'ailleurs, et bien au-delà du sport automobile. Une célébrité qu'elle vit plutôt mal, car les journalistes s'acharnent à lui coller à la peau cette image d'une femme rebelle qui se bat au service de la condition féminine. Or, Michèle Mouton, répétons-le, est pilote, rien de plus, rien de moins. Pour parler clair, si elle a du talent, c'est la seule chose qui compte, et qu'elle soit une femme, on s'en fiche. Le paradoxe également, c'est qu'en gagnant à Sanremo, la jeune femme épouse une carrière qui est à l'opposé de ce qu'elle voulait faire plus jeune. Adolescente, Michèle ambitionne plutôt de travailler dans le social et de s'occuper des jeunes en difficulté. Le bac et le permis de conduire en poche, elle quitte la maison familiale de Grasse et part étudier à Grenoble. À l'époque, elle aime le tennis, les compétitions de ski et surtout sortir et faire la fête le week-end entre amis comme tout le monde. La voiture, c'est pour elle un instrument de liberté, c'est déjà bien, mais rien de plus. Et comme l'explique au micro d'Henri Charpentier de France Inter, la mécanique ne l'intéresse pas vraiment. Ça fait partie vraiment de la vie actuelle, ça fait vraiment partie de la liberté que l'on recherche tout le temps. Sans voiture, on est vraiment bloqué, on ne peut plus rien faire aujourd'hui sans voiture. C'est vraiment un moyen indispensable de se déplacer et d'être libre avant tout. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, la beauté, l'extérieur, l'esthétique d'une voiture ou au contraire la mécanique? Ah non, je regarde toujours l'esthétique, toujours. Et si vous voulez aussi, ce qui est très très important pour moi, c'est le côté confort de la voiture. Dans une voiture, j'aime bien, surtout quand je suis passagère, avoir un accoudoir assez confortable, avoir un siège où on est bien assis et confortable. Beaucoup de place, une voiture, il y a beaucoup de place, parce que vous savez, les femmes ont toujours besoin de beaucoup de place. Un miroir suffisamment grand. C'est toujours surtout le côté confortable et silencieux aussi de la voiture. Être à l'aise. Très très à l'aise, oui, Jean-Pierre. La suite de la relation entre Michèle Mouton et la course automobile s'écrit sur un coup du destin. En 73, Michèle a 22 ans. Aucune expérience de pilotage ou des rallyes. Lorsque, durant un concours de danse, l'un de ses amis lui propose d'être son copilote au prochain rallye Monte Carlo. Pourquoi elle? On lui demandera dans quelques minutes. Mais elle dit oui et se retrouve embarquée dans une aventure hors norme. Sur les spéciales du rallye de Monte Carlo, sur la neige de Sisteron et sur la glace du col du Turini, elle vit dans la catégorie amateur une expérience fascinante. Si elle abandonne à cause de la tempête, cet épisode va être le point de départ d'une véritable passion pour le pilotage. Son père, lui-même fasciné par le sport automobile, lui offre alors une voiture et la soutient financièrement pendant un an, avec ce leitmotiv: si tu es assez bonne, tu continues. Interrogé quelques années plus tard, ses parents avouent avoir été surpris par les résultats rapides de leur fille. Son enfance, elle avait déjà des dispositions à conduire une voiture, puisque à l'âge de 13 ans, elle me fauchait les voitures qui étaient au parking. Vous pensiez qu'un jour, elle serait parmi les meilleurs pilotes du monde ? Oh non, j'étais loin de penser une chose pareille. Je la voyais progresser, je voyais que parmi les concurrents avec qui elle avait affaire, elle se situait bien, mais je ne pensais pas qu'elle arrive à un tel niveau, non. Et vous, Madame Mouton, c'est ce que vous aviez rêvé pour votre fille, une telle carrière, un tel métier ? Non. Je ne pensais jamais qu'elle puisse faire ça. Hein, c'est venu pour m'accidentellement un peu. Vous l'avez encouragée ou au contraire, vous avez essayé de freiner sa carrière ? Oh non, plutôt encouragée, je crois. Ça nous plaisait aussi, on la suivait, ça nous faisait un but, je sais pas. De 1973 à 1981, Michel Mouton écume les petits ralliés, les épreuves nationales, acquiert de l'expérience et se fait un nom. Au volant de certaines des meilleures voitures de cette époque, l'Alpine, la Porsche 911, la Fiat 131 Abarth ou encore la Lancia Stratos, Michel est presque toujours dans le haut du classement, s'octroyant même le privilège de signer plusieurs temps scratch, au nez et à la barbe d'adversaires beaucoup plus expérimentés. Sa première consécration arrive en 1978, lorsqu'elle remporte Tour de France Automobile. C'est toute l'épreuve qui est dure, et particulièrement la dernière nuit, parce que passer une nuit, une journée, une nuit au volant, et puis recommencer le lendemain, c'est vraiment très difficile. Et j'avoue que la dernière nuit, en plus très angoissante, parce que mes adversaires ont connu beaucoup de problèmes aussi, et on ne savait pas très bien comment mesurer notre course. Et il a fallu attendre cette nuit l'Ardèche pour savoir peut-être que nous pourrions espérer à la victoire. Alors une femme qui gagne une telle épreuve, ça ne s'est jamais vu. Et c'est évidemment rare parce qu'il faut disposer d'un matériel égal à ceux des hommes. Mais ça a été un long travail et je crois que je me suis efforcée pendant 3 ou 4 années de faire des efforts pour arriver à ce stade-là. Et c'est à partir du moment où on a vraiment un matériel équivalent à ceux des hommes qu'on peut évidemment espérer pouvoir faire le même résultat qu'eux. En 1981, Michel Mouton fait le second grand choix décisif de sa carrière. Elle s'engage avec l'équipe allemande Audi pour disputer le championnat du monde. À cette époque, la marque Ozano est un constructeur qui ne produit que des berlines de moyenne gamme. Rien de très clinquant, encore moins de sportif. Mais en coulisses, les ingénieurs d'Ingolstadt ont développé une technologie révolutionnaire qu'ils s'apprêtent à tester en rallye, le système Quattro, donc 4 roues motrices. Malgré quelques problèmes de fiabilité, de réglage et un comportement parfois un peu brusque, l'Audi Quattro, placé entre les mains de Michel Mouton, devient une arme redoutable pour battre les chronos. L'année suivante, en 82, elle remporte 3 victoires au championnat du monde sur les plus belles routes qui soient, celles du Portugal, de la Grèce et du Brésil. 82 est également l'année où le titre va se jouer sur le dernier rallye, celui de Côte d'Ivoire. Entre Michel Mouton et la couronne de champion du monde, en l'occurrence championne du monde, un seul et dernier obstacle se dresse, un adversaire dont la réputation n'est plus à faire, l'Allemand Walter Rohrl. Rohrl face à Mouton. Le rendez-vous est pris pour la fin du mois d'octobre sur les pistes de terre d'Afrique de l'Ouest. Over on the plane. Aujourd'hui, Michel Mouton. France Inter, Affaires sensibles. Et le journal vous est présenté par Pierre Veil. Sport avec Wemil Toulouse et d'abord le très beau départ donc de Michel Mouton dans le rallye de Côte d'Ivoire. Oui, Michel Mouton qui dispute le titre mondial des pilotes de rallye à l'allemand Roll après en effet un très bon départ en Côte d'Ivoire. Michel Mouton était en tête après la première partie de la première étape. Elle précédait Jean Ragnotti et le Suédois Eklund de 5 minutes. Walter Roll, lui, était à 8 minutes au moment de la neutralisation de Yamoussoukro, d'où les concurrents sont repartis il y a un peu plus de 2 heures pour terminer vers midi la première étape. Mercredi 27 octobre 1982, rallye de Côte d'Ivoire. C'est sur un tracé chaotique et des pistes pas toujours fermées à la circulation que Michel Mouton et Walter Roll se livrent contre le chronomètre à leur dernière bataille de la saison, avec pour enjeu, excusez du peu, le titre mondial. Au matin de la première spéciale, quelques instants seulement avant de monter dans sa voiture, elle reçoit un coup de téléphone dramatique qui lui annonce la mort de son père. Bouleversée, elle veut rentrer immédiatement. Mais sa mère la convainc de courir, car, dit-elle, c'est ce que ton père souhaitait. C'est ce qu'il aurait voulu que tu fasses. Alors, c'est dans ces conditions douloureuses qu'elle s'élance à l'assaut des spéciales ivoiriennes. Personne parmi ses adversaires, ni parmi les journalistes, n'est au courant du drame qui vient de la secouer. Alors, comme toujours, lorsqu'elle prend le volant, Michel Mouton ne laisse rien paraître et se donne à fond. Pendant les 3 premières journées de course, elle est en tête du classement général, accumulant plus d'une heure et demie d'avance sur l'allemand Roll et son Opel impuissant. Après plus de 4000 km en tête, il lui reste une dernière journée de route, quelques centaines de kilomètres à peine, la sépare donc du titre mondial. La victoire lui tend les bras. Mais en rallye, l'imprévu guette toujours les pilotes et leur voiture. Pour Michel, c'est d'abord un souci de boîte de vitesse, puis une réparation hasardeuse de ses mécaniciens qui vont lui coûter son avance. Ensuite, le mélange entre la fatigue, la tension et une erreur de prise de note lui font faire une sortie de route. Elle doit abandonner et laisse à Walter Roll le titre de champion du monde. Mais de l'avis des journalistes et des fans, c'était à elle et à sa copilote que revenait sans aucun doute la couronne mondiale cette année. En 83, 84 et 85, Michel Mouton est de nouveau en lice au volant de son Audi Quattro. Elle lutte face à la redoutable concurrence des pilotes nordiques. Désormais engagée dans le tout nouveau groupe B, elle est le témoin de cette course à la puissance et à la surenchère aérodynamique que se livrent les quatre principales grandes marques du championnat, Audi, Lancia, Ford et Peugeot. Des évolutions censées offrir aux voitures davantage de vitesse et de performance, donc plus de spectacle, mais avec des modifications techniques, au détriment souvent de la sécurité pour les équipages, tout comme pour le public présent au bord des routes. Un mélange explosif qui va avoir un résultat dramatique en 1986, lors du Tour de Corse. Vous écoutez Radio France, il est 13h. Le journal Jacques Chabot. Au Tour de Corse automobile, rallye comptant pour le championnat du monde qui a débuté ce matin, après 5 épreuves spéciales dans la première étape, c'est le Finlandais Henri Toivonen sur l'Ancia Delta qui occupe la première place au classement général provisoire. Il devance les 3 petites Peugeot 205 Turbo 16 engagées dans cette épreuve. Bruno Sabi est deuxième à 23 secondes, le Finlandais Timo Salonen troisième à 28 secondes et la Française Michèle Mouton occupe, elle, la quatrième place à 49 secondes de Toivonen. Vendredi 2 mai 1986, Corte. C'est ici, sur un petit parking municipal, à 40 km au sud de Bastia, que les équipages du championnat du monde des rallyes, le groupe B, patientent avant le départ de la deuxième étape du Tour de Corse. L'ambiance est à la fête, grâce notamment aux très bonnes positions de Peugeot, avec ses 205 Turbo 16, dont celle de Michel Mouton, qui pilote cette saison pour le constructeur français. Épreuve parmi les plus techniques du championnat. Le Tour de Corse est un défi pour tous les équipages qui doivent foncer sur de petites routes escarpées, pris en tenaille d'un côté par la roche, la falaise et la montagne, de l'autre par le précipice, les sapins et les ravins. Ici, la moindre erreur peut se terminer en drame. Preuve de la dangerosité de cette course, l'année passée, le pilote italien Attilio Bettega et son copilote ont perdu la vie suite à une sortie de route à bord de leur Lancia. Malgré cette tragédie, l'écurie italienne est de nouveau là cette année avec une voiture encore plus puissante et plus légère, la Delta S4. Lancia, pour respecter la prononciation italienne, a installé à son volant l'un des tout meilleurs pilotes du plateau, un jeune Finlandais de 29 ans qui répond au nom d'Ari Toivonen. Dans le monde du rallye, on le surnomme le Petit Prince, en raison de son sourire, de son talent précoce et de sa gentillesse. Mais aujourd'hui, Toivonen a le visage des mauvais jours. Il est malade, il a la grippe, mais surtout, il est soucieux de la sécurité sur l'épreuve. Comme il l'explique à Antenne 2. Je pense que je vais essayer de faire la même chose qu'hier et être toujours dans le rythme. C'est très important ici. Parce que c'est un rallye complètement fou. Il faut en fait concilier en permanence vitesse et sécurité. La difficulté, c'est que les spéciales sont trop longues. 4 heures rien que pour le premier jour. Je pense que le maximum, ce devrait être 7 ou 8 heures, mais pour l'ensemble de la course. Des spéciales trop longues, et tout particulièrement cette année parce que le revêtement de la route est brûlant. Et cela d'autant plus que les voitures, même celles du groupe A, sont de plus en plus rapides. Physiquement, c'est impossible de se concentrer à la fois sur l'huile, les graviers et l'eau. C'est démentiel d'enchaîner 2 spéciales de 30 km. Lorsque le départ de la spéciale est donné, la Lancia Delta blanche, avec ses bandes rouges et bleues sur le capot, s'arrache du sol à une vitesse ahurissante. Une poignée de secondes plus tard, Toivonen et son copilote Sergio Cresto ont disparu du champ de vision des spectateurs. Michel Mouton et Fabrizia Ponce, à bord de leur 205, attendent encore de prendre le départ. Pendant ce temps, déjà lancé à l'assaut des routes sinueuses, Toivonen déploie tout son talent pour aller le plus vite possible. Il fait glisser son bolide de virage en virage, sans aucune faute ni écart. Les kilomètres défilent à toute vitesse, rien ne semble pouvoir arrêter le Petit Prince. Au passage du col d'Ominanda et du pont de Castirla, un spectateur filme avec son petit caméscope dans un virage. Arrive alors la voiture de Toivonen qui se rapproche à toute vitesse. Et soudain, on entend un bruit de choc. Et dans les secondes qui suivent, une immense boule de feu s'échappe des sapins en direction du ciel. Toivonen vient de quitter la route. Sa Lancia plonge 4 mètres en contrebas au milieu des sapins. Un spectateur raconte... On est sorti d'un virage assez resserré. La voiture du pilote est arrivée en tête à queue et a embarqué un petit muret. Et le choc l'a fait déséquilibrer et elle est tombée en contrebas de la route. Mais la vitesse à laquelle elle arrivait l'a fait percuter assez violemment un petit bosquet qui était en contrebas. Elle est tombée sur le toit et a pris feu immédiatement. On parle du copilote qui aurait été éjecté de la voiture. Est-ce que c'est vrai ? C'est exact. Le copilote était tout de suite à côté de la voiture. Il a été éjecté par le choc, mais il n'est pas allé très loin parce que le bosquet était assez touffu et il a brûlé en même temps que la voiture aussi. Après, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Eh bien, arrivé sur les lieux, y a les médecins. Disons qu'au départ, c'est Bruno Sabi qui a donné l'alerte parce qu'un des spectateurs lui a dit que la voiture était tombée. Il a fait marche arrière, il est remonté sur les lieux et a donné l'alerte à la radio. Parti une minute après Toivonen, Bruno Sabi et son copilote Jean-François Fauchy arrivent donc les premiers sur les lieux de l'accident. Ils ne peuvent rien faire pour aider l'équipage Lancia bloqué dans la carcasse de la voiture en flammes. Au même moment, sur les ondes radio de l'équipe italienne, c'est la panique. Henri et Sergio sont sortis de la route. Je répète, Henri et Sergio sont sortis de la route. Bloquez les départs, bloquez tous les départs. Henri, la voiture d'Henri est en feu. Et on sait s'ils sont sortis de la voiture ? Non. On ne sait pas. Personne ne sait. Appel à toute l'équipe Martini. Vous rentrez sur Ajaccio. La course est aussitôt neutralisée et les concurrents regroupés à Calvi, terme de la deuxième étape. Pour la deuxième fois en 2 ans, les roues du Tour de Corse viennent de tuer. L'épave fumante de la Lancia brûle est pulvérisée et rapportée quelques heures plus tard à moitié bâchée sur le parc d'assistance. L'émotion est immense parmi tous les équipages. Henri Toivonen avait 29 ans, il était marié et père de 2 enfants. Son copilote, Sergio Cresto, venait lui de fêter ses 30 ans. En signe de deuil, l'écurie italienne retire immédiatement ses 2 autres voitures. Chez Peugeot, Michel Mouton et sa copilote sont elles aussi sous le choc. Car loin des images véhiculées par la presse, le monde du rallye est à l'époque une grande famille. Tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide et se respecte. La raison de l'accident tragique de la Lancia d'Henri Buitonen reste aujourd'hui encore inexpliquée. Au fil des années, les experts ont dégagé plusieurs hypothèses. Parmi elles, une erreur de navigation et ou de pilotage, un malaise du pilote, un incident mécanique. C'est justement vers cette dernière piste que se concentrent les regards, car la pédale d'accélérateur de la Lancia était connue pour être défectueuse. Elle s'était déjà bloquée par le passé. Derrière l'accident du Tour de Corse, le véritable problème, c'est la puissance démesurée et l'absence de sécurité à bord des véhicules de groupe B. En 86, les déréglementations successives ont permis aux constructeurs de faire exploser les limites des moteurs. La Peugeot 205 T16 de Michel Mouton, lors du Tour de Corse, dispose par exemple de 530 chevaux pour à peine 960 kg. Dans cette course à la victoire, Audi, Lancia, mais aussi Peugeot ou encore Ford, ont conçu des monstres capables en accélération de rivaliser avec les Formule 1 d'époque. Le tout à conduire, non pas sur l'asphalte lisse des circuits, mais sur les routes parfois défoncées aux quatre coins du monde. Au micro de Patrick Rivas, sur France Inter, le pilote Bernard Darginich, 6 fois vainqueur du Tour de Corse, confirme le côté déraisonnable du groupe B. Non, c'est pas raisonnable, bien entendu, mais... Si dans la vie, maintenant, on ne commence à penser, à réaliser, à faire que des choses qui sont raisonnables, on va amputer à peu près 80% de notre vie quotidienne. Hein. Il faut bien regarder les choses telles qu'elles sont. Il y a 15 ans que je fais ce métier de pilote de course et ça fait 15 ans que je suis totalement irraisonnable de faire un tel métier, à la limite. Parce que depuis 15 ans, j'ai vu des quantités de gens... inconnus se tuer. J'ai vu, moi, personnellement, des accidents qui auraient pu tourner au drame si je n'avais pas eu une chance inouïe de ne pas tomber dans le ravin avec une roue qui pend complètement, un arbre qui arrête la chute 200 mètres plus bas. Personne ne peut nier que nous faisons un métier à haut risque. Et d'ailleurs, au niveau des conversations que nous avons souvent avec les pilotes de F1, je me suis souvent entendu dire « Mais vous, les rallymans, vous êtes des fous furieux de faire le métier que vous faites avec des voitures rapides comme elles le sont. » Au milieu de montagnes, avec des routes qui sont très mal revêtues souvent, pleines de gravier, l'hiver avec des plaques de glace, avec des ravins à droite et des rochers qui, de toute façon, au moment du choc, vous renvoient dans le trou. 2 mois avant l'accident de Toivonen, la Ford du Portugais Joaquim Santos faisait une violente sortie de route lors d'une spéciale sur terre au rallye du Portugal. Sa voiture fauchait une 30aine de spectateurs. Bilan, 3 morts, dont 2 enfants et plusieurs dizaines de blessés. Le groupe B s'est rangé de 100aines de spectateurs qui se pressent au bord des routes, pour certains s'écartant au dernier moment lors du passage des voitures, fascinent le grand public et offrent à la télé des images rares, incroyables. Dans la foulée de l'accident d'Henri Toivonen, le président de la Fédération Internationale Automobile, Jean-Marie Balestre, annonce la fin immédiate de cette catégorie de voitures. Elles sont remplacées par un autre type de véhicule, moins puissant et surtout davantage réglementé. Novembre 86 marque donc la fin d'une époque et d'une génération, celle du groupe B. Mais cette date marque aussi la fin de la carrière professionnelle de Michel Mouton. Après plus d'une dizaine d'années au plus haut niveau du rallye, la Française range ses gants, sa combinaison et son casque de pilote pour se consacrer à sa vie personnelle. Vice-champion du monde en 1982 et première femme à avoir remporté un rallye mondial, elle n'a peut-être pas gagné sur le papier le titre qu'elle aurait mérité, champion du monde. Mais toutes celles et tous ceux qui l'ont suivi tout au long de sa carrière savent qu'elle a davantage marqué l'histoire du sport automobile que beaucoup d'autres champions du monde réunis. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Bonjour Michel Mouton. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, on va évacuer immédiatement les questions de genre. La question du genre, en tout cas, avec une seule question. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on a forcément du talent. Du talent, on en a ou on n'en a pas, qu'on soit un homme ou une femme. Bon. Mais en même temps, si je puis dire, c'est une époque où les femmes ont moins de place dans la vie civile qu'aujourd'hui. Et forcément, ça a interpellé le fait qu'une femme, pour le coup, soit meilleure que des hommes. Comment vous avez géré ça, ce questionnement qui revenait toujours de la part des journalistes et pas forcément de façon illégitime ? Écoutez, il fallait aussi comprendre parce que comme il n'y avait pas beaucoup de femmes dans ce sport-là, forcément, quand il y en avait une, eh bien, on la regardait différemment. Ça, c'est un peu normal. Ça aurait été l'inverse, ça aurait été pareil. Mais bon, on est dans un sport, comme je l'ai entendu tout à l'heure, où il n'y a pas de différence de classement, tout comme l'équitation et le bateau. Et donc, eh bien... Il faut considérer les femmes au même niveau que les hommes. Ouais. Et elles ont la même possibilité. Et puis, il n'y a surtout qu'une seule manière d'aller vite en voiture, qu'on soit un homme ou une femme. Donc, il n'y a qu'une ligne, une trajectoire. Et après, c'est une histoire de gros cœur. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de différence. On a une approche différente de la compétition. Mais en fait, chacun, avec sa manière, peut arriver à conduire une voiture rapidement. Et à votre avis, pourquoi le rallye était si populaire ? Est-ce que c'est parce que ces voitures-là, finalement, ressemblent à des voitures, contrairement à la Formule 1, où on ne peut pas faire le rapprochement avec nos voitures à nous, quoi. Oui, bien sûr, ce sont des voitures que l'on peut trouver dans la vie de tous les jours. Et donc, c'était surtout des voitures spectaculaires, des voitures très puissantes, et conduites sur des routes de Monsieur Tout-le-Monde. Donc, les gens venaient voir ce que certains pilotes pouvaient faire avec ces voitures et rêvaient à pouvoir faire la même chose. Alors, c'est la proximité qui était importante. Bien sûr. Vous me disiez tout à l'heure, c'est sympa d'entendre tout ça. Alors, dans la deuxième partie, c'était moins sympa parce qu'on a parlé d'un drame. Qu'est-ce que vous retenez ? C'est quoi pour vous le moment le plus fort de votre carrière ? Le plus fort, ouais, bah, c'est sûr. Vous a laissé un souvenir le plus intense. C'est sûr que je dirais certainement la Côte d'Ivoire. Non pas parce que j'ai manqué le titre, mais parce que j'ai perdu mon père. D'accord. C'était ça le plus important. Ouais. Après, en tant que pilote, personnellement, c'est sûr que le San Remo m'a permis de me donner beaucoup plus de confiance en moi. Parce que quand on gagne une fois, on se dit qu'on peut gagner deux fois. Et donc, ça a été une étape importante pour moi aussi. Et après, quand vous avez arrêté votre carrière, est-ce que vous êtes allé conduire une voiture sur des circuits ? Est-ce que ça a continué ou est-ce que d'un seul coup ça s'est arrêté puis vous avez roulé comme tout le monde à 50 km/h ou à 130 sur l'autoroute ? Bon, si je suis pas pressé, je peux rouler à 50 km/h, mais en général, je suis toujours pressé. Donc. Non, je pense que une fois que j'ai eu à arrêter ma carrière. Je savais, je regarde pas derrière, je regarde toujours devant. Donc c'était fini, c'était une étape, c'était un challenge, j'allais dire pour moi, réussi. Et donc il fallait passer à autre chose et j'ai toujours eu dans ma tête, dans un petit coin de ma tête, de m'arrêter un jour pour avoir une famille. Et donc voilà quoi, ça a été le moment quand j'ai décidé de m'arrêter, c'était pour regarder autre chose et je n'ai plus jamais regardé derrière. Et la notoriété, comment vous l'avez gérée ? Qu'est-ce que ça a généré chez vous ? C'était gênant ou c'était agréable ? Bah, écoutez, ça dépend. Il y a des fois, c'est un peu gênant. Mais c'est surtout que je pars du principe que tous les gens qui arrivent à faire quelque chose, c'est qu'ils ont les compétences, ils ont le caractère pour le faire. Donc, si vous voulez, je ne dis pas que c'est normal, mais je dis que si je l'ai fait, c'est que j'avais les capacités pour faire ce que j'ai fait. Et j'aurais été incapable de conduire un bateau comme l'a fait Florence Artaud, par exemple, à l'époque. Et on en a discuté souvent avec elle, parce que j'aurais été une trouillarde pas possible de me retrouver seule au milieu de l'océan. Mais avec une voiture, je n'avais absolument pas peur, quoi. Donc, chacun a ses qualités, ses défauts, et puis arrive à les exploiter. C'est qu'une question de savoir exploiter ses compétences. Ouais. Pourtant, c'est impressionnant. Moi, je suis monté une seule fois dans une voiture de rallye sur neige. Dans le massif du Bugey, j'ai eu la peur de ma vie. C'est extrêmement impressionnant. C'est très impressionnant pour celui qui est à côté, oui. Alors, votre carrière de pilote commence par un concours de circonstances en 1973, on l'a dit dans le récit, une invitation à faire la copilote. Mais pourquoi vous ? Ça paraît... Eh bien, parce que c'était un ami dans la région qui faisait des rallyes et qu'on avait que j'avais rencontré, revu à cette occasion de ce concours de rock'n'roll. Et donc, il était aussi un petit peu amoureux de moi. Donc, il m'a proposé de partir avec lui parce qu'il s'entendait pas très bien avec son copilote. Et il a vu que moi, j'avais les yeux vraiment grands ouverts quand il m'a raconté ce que c'était que le rallye et ce qu'il fallait faire. Parce que, comme disait mon père tout à l'heure, je conduisais depuis l'âge de 13 ans. Donc, pour moi, la voiture, c'était vraiment l'indépendance, la liberté et être dans une voiture, c'était fantastique. Et au volant, dès 13 ans, vous preniez un plaisir à être au volant? Oui, parce que j'attendais mon permis de conduire, parce que c'est ce qui me permettait. Et bon, la voiture, à l'époque, c'était notre seul moyen, pratiquement. L'avion, c'était pas forcément pour monsieur tout le monde. Et donc, c'était la voiture qui nous permettait de nous évader, de partir et de voyager, quoi. France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Michel Mouton, puisque j'ai la chance de pouvoir vous parler, je vais rentrer dans les coulisses d'un monde que je ne connais pas et que les auditeurs et les auditrices ne connaissent pas, celui du rallye, donc c'est un engagement professionnel. Donc il y a des compétitions, mais entre les compétitions, il faut bien s'entraîner. Comment on s'entraîne et où on s'entraîne? Aujourd'hui ou à mon époque? À votre époque. À mon époque, eh bien, on passait pratiquement 15 jours sur chaque rallye en moyenne, où on va faire le parcours, on a des notes, on travaille les notes chaque virage, on essaye d'améliorer ces notes pour que le jour de la course, le copilote puisse me lire les notes et que je puisse aller le plus vite possible, exploiter sa voiture aux limites des possibilités de la voiture et à mes propres limites. Et qu'est-ce qu'on vous dit, votre copilote, qu'est-ce qu'elle vous disait? Donnez-nous un exemple, c'est assez fascinant ça. Quel genre de dialogue vous avez? De dialogue, ben ce sont simplement des notes, donc... On vous dit des virages à gauche, à droite? Si vous voulez, c'est un peu comme si on était aveugle et comme on ne sait pas ce qu'il y a derrière le virage, eh bien, en ayant travaillé, on sait exactement avec le système de notes ce qui se passe derrière le virage. Donc, on annonce un gauche 90 suivi d'un droit à fond. Voilà, ben je sais que je sais un gauche 90 et que derrière, je peux aller plus vite parce que c'est un droit à fond. Et donc, c'est un enchaînement de virages qui va très vite à une allure où elle annonce tous les virages, toutes les distances entre les virages pour pouvoir aller le plus vite possible. Alors, il y a une dimension physique, comme dans tous les sports, mais c'est surtout un sport cérébral, de concentration. C'est les deux en même temps, puisque c'était des rallyes d'endurance à l'époque. Hein, et donc, on roulait nuit et jour, avec des petits arrêts pour faire un peu d'assistance, changer les pneumatiques, remettre de l'essence, quand il n'y avait pas de problème mécanique. Et donc, il fallait rouler tout le temps à une cadence très, très élevée. Donc, ça demande beaucoup de concentration, de sang-froid, de réaction, de rapidité, de réflexe. Et voilà, on est toujours sur le fil du rasoir, et il faut pas dépasser, quoi. Donc, c'est ça qui est excitant, l'adrénaline. Bah oui, c'est une adrénaline incroyable que vous procure quand vous arrivez dans la voiture à faire corps avec les notes du copilote que vous entendez et la route, c'est juste extraordinaire, quoi. Alors, on a parlé des problèmes de sécurité, des drames aussi, hein, qu'on a connus dans le rallye. Quelle a été l'évolution en matière de sécurité de votre époque jusqu'à aujourd'hui? C'est incommensurable, on peut pas imaginer, quoi. C'est... Ah bon? Toutes les voitures ont fait des progrès incroyables, que ce soit en suspension, en freinage, en facilité de conduite. C'est complètement différent. Les voitures sont surtout beaucoup, beaucoup plus sûres qu'à mon époque. La FIA a fait des progrès incroyables et aujourd'hui, les voitures, on voit des accidents à très haute vitesse où les pilotes sortent indemnes et c'est comme en Formule 1, quoi. On a fait des progrès insensés depuis mon époque. Et j'allais dire heureusement, parce que ça fait quand même 40 ans, donc heureusement qu'il y a des grands progrès. Vous êtes délégué à la sécurité au sein de la Fédération internationale de l'automobile, précisément. Quelle est votre mission quotidienne? Ma mission, c'est de vérifier pendant le déroulement d'une épreuve du championnat du monde que tous les spectateurs sont en place avant le départ de la première voiture. Donc, je fais comme les concurrents toutes les épreuves, 30 minutes avant la première voiture de course, et je vérifie que les spectateurs sont dans leur zone, au bon endroit, et qu'on peut lancer la première voiture. Et donc, je donne mon approbation à l'organisateur, qui lui est responsable de son épreuve. Et pour ça, vous faites des repérages on a un plan de sécurité, et donc avec le parcours, et je vérifie en passant assez vite dans la spéciale que tous les spectateurs sont en place. Voilà. Effectivement, dans le rallye, il y a deux pôles de sécurité. Il y a la sécurité pour les spectateurs, et puis celle pour les pilotes. Oui, il y a la sécurité pour les pilotes. On la travaille un petit peu avant le départ de l'épreuve, parce que, par exemple, il y a des moments où on fait rajouter des protections pour un arbre qui est dans la trajectoire, ou pour un pont, en mettant des protections spéciales pour pas que la voiture puisse, à l'impact, être ouverte par une barrière. Donc, on s'occupe de cette sécurité-là. Mais une fois que le rallye démarre, c'est principalement la sécurité des pilotes. Des spectateurs, des commissaires et des photographes, des médias qui sont sur l'épreuve, de tous ceux qui sont sur l'épreuve. Je me disais, concernant les sports mécaniques, il y a quelque chose qui doit être assez frustrant d'être dépendant justement de la mécanique. Un sauteur à la perche, sa perche tombe rarement en panne. Mais dans la raquette de tennis, c'est pareil. C'est déjà arrivé qu'elle casse aussi. Pas qu'elle casse, on va prendre une raquette de tennis. Bon. C'est pas frustrant de se dire, même si j'ai du talent, je fais tout pour gagner, je peux être trahi par la mécanique. Ça fait partie du jeu, et c'est ça qui est excitant, c'est qu'il faut que dans une victoire, il y a pas que le pilote, il y a le copilote, il y a la voiture, il y a l'équipe. J'ai perdu le championnat du monde parce que mes mécaniciens n'ont pas su changer la boîte de vitesse. Bon, c'est comme ça. Pourtant, ils savent le faire. Ce jour-là, ils ont tout loupé, quoi. Donc, c'est ça qui est fantastique. Ce sont des victoires d'équipe à chaque fois. Et quand on est sportif professionnel, comment on gère la défaite? Est-ce qu'on se dit ça fait partie du jeu? Est-ce qu'on se refait le film? Est-ce qu'on culpabilise? Comment on gère ça? On culpabilise pas. Il y a des fois, écoutez, vous apprenez. On apprend sur le tas. C'est sur les défaites que vous apprenez le plus, je pense, parce que justement, quand on sait analyser pourquoi on a perdu, on peut travailler ces points-là pour la prochaine. Bien sûr. Michel Mouton, il me reste à vous remercier d'être venu et de nous avoir parlé. Merci, au revoir. Merci beaucoup. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Michel Mouton, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.